Bonjour à tous. Aujourd'hui, crème façon viepoise pour 4 personnes. Un demi-litre de fumée de poisson, une pomme de terre moyenne, un blanc de poireau, 20 g de beurre, 50 g de champignons de Paris, un quart de crème entière, un demi-litre de moule bouchot, une échalote hachée, 2 cuillères à soupe de petites crevettes roses décortiquées, 1/8 de litre de vin blanc, du sel et du poivre. Faire suer au beurre poireau plus champignons émincés, brouiller au fond de poisson, ajouter pommes de terre, cuisson 30 minutes à feu doux. Mixer finement le tout, passer au chinois, ajouter la crème, mettre au point, réserver au chaud. Ouvrir les moules dans le vin blanc plus échalote et garder le jus de cuisson. Décoquiller les moules, ajouter le jus des moules filtrés dans le velouté, faire frémir, mettre au point, dresser dans des assiettes creuses chaudes, un peu de crevettes, des moules, la soupe bien chaude et quelques feuilles de cerfeuil. Un petit vin conseillé, un mareuil blanc à boire avec modération.